trois heures. Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. En sortant du métro, il a l'air perdu. Mademoiselle, s'il vous plaît, la tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense, mais pas par ici, je ne crois pas. Merci. Robert reprend le métro, regarde son plan, semble de plus en plus perdu. Il sort du métro. Le quai de Grenelle, s'il vous plaît. C'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Il faut prendre le métro. Ah non, alors, j'ai pas le temps. Merci. Robert rentre à son hôtel, se change et prend le métro pour aller chez les Courtois. Robert rentre à son hôtel. Il rentre à son hôtel. Il se change et il prend le métro pour aller chez les Courtois. Il prend le métro pour aller chez les Courtois. Que fait Robert à 3 heures? Il rentre à son hôtel et se change. Comment va-t-il chez les Courtois? En métro. Il prend le métro. Et Robert part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il marche vite, il regarde son plan, il regarde l'heure, 5 heures, 6 heures, 6h30, 7 heures. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Et Robert part à pied. Il part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Il traverse tout Paris. Il traverse tout Paris à pied. Comment va-t-il de Montmartre au quai de Grenelle? À métro? Non, à pied. Enfin, voici le quai de Grenelle, la tour Totem. Il est 7h29. Il est 7h29. Quelle heure est-il quand il arrive à la tour Totem? Il sonne à une porte. Un monsieur ouvre. Pardon, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Jusqu'ici. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il est 7h30. Ouf! Il sonne à une porte. Ah non, monsieur. Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, ce n'est pas ici. Vous vous êtes trompé de porte. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé de porte. Est-ce qu'il sonne à la bonne porte? Non, il se trompe de porte. Madame Courtois, c'est à côté. C'est à côté. La porte à côté. La porte à côté. Où est l'appartement des Courtois? C'est à côté, la porte à côté.